De Marie-Odile Ackermann, Quatre petits lutins sur la route de Noël. Quatre lutins se mettent en route. À la croisée des chemins, ils rencontrent le grand maître des lutins. Où allez-vous de si bon chemin? Nous allons à la recherche de Noël. Allez, bon chemin. Les quatre lutins traversent une grande forêt de sapins. Tout est calme, paisible. Une bise froide souffle dans la sapinière une mélodie. Vive le vent, d'hiver, qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, d'hiver, qui s'en va tout en soufflant dans les grands sapins verts. Pim, le plus petit lutin, se dirige vers le pays enchanté des bonbons. Pam, le frère, vers le pays enchanté des gâteaux et des petits pains. Poum, le troisième, vers le pays enchanté des jouets. Pomme, l'aîné, vers le domaine mystérieux des contes et des livres. À la nuit tombée, Pim, Pam, Poum et Pomme retrouvent leur maître. Chaque lutin raconte sa découverte. Pim, chargé d'un sac rempli de bonbons et de friandises, décrit un domaine enchanté, rempli de bonbons, de papillotes, de truffes, de berlingots, de caramels, de pépites de chocolat, de sucettes grenadines, citrons et mentholés, de pâtes de fruits et de barbe à papa. Pam, chargé de petits gâteaux de Noël, décrit un village de gâteaux et de petits pains. Des maisons avec des toits de profiteroles, des murs de gaufres, des rues recouvertes de macarons, des jardins composés de tartelettes aux fruits, des arbres sous forme de brioches, des fontaines qui versent des fondants au chocolat, un château fort fait de petits pains et de croissants avec des remparts en millefeuilles et la rivière qui coule doucement la crème chantilly. Poum ouvre son sac plein de jouets, des cris, des poupées, des voitures, des trains, des camions, des mallettes découvertes, des coloriages, des jeux de construction, des jeux d'engrenage et d'encastrement, des cubes, des mécanos, des puzzles et des dominos. Pomme raconte le pays des contes et fait découvrir le merveilleux monde des mots, des livres d'images, des histoires, des contes et des historiettes, de la magie, du fabuleux, du fantastique qui se cache dans les histoires merveilleuses, la belle au bois dormant, le prince crapaud, le gentil petit loup, le chat botté, la souris coquine, le géant des montagnes, boucle d'or, le chaperon rouge, le petit pousset, Cendrillon, Blanche-Neige. Le grand lutin, maître de la sagesse, écoute et dit « Reprenez votre chemin, allez voir tous les enfants du monde entier et faites-les rêver. En attendant Noël, faites de beaux rêves les enfants. »